dire merci, votre lampière tout entière. Justifie mon seigneur avec votre tour. Fais-tu la divine incontestante. La sombre surprise, celle du brûlement monde. Dénale sur mes mouvements, grands et créateurs. C'est mon éternité. L'éternité, mon Dieu. La chante en espérante. Awaken Black! Dell'inferno.